baby. Bébé, j'ai pas le temps, aujourd'hui le four à midi. Bébé, j'ai pas le temps, je suis KO1, je suis KO1, mais je dois viser. Je suis KO1, je suis KO1, mais je dois viser. En direct du bendo ce soir, le raptor sera sévère. Elle a voulu refaire sa vie, mais moi j'ai pas changé d'avis. Je préfère le JD d'avant, je préfère le NASA d'après. Je sais ce que la vie m'a pris, quand le four j'évacue ma peine. C'est le bendo, y'a que le sale qui m'appelle. Je l'aime trop, ce qui causera ma perte. Elle me dit d'arrêter la bibi. Bébé, j'ai pas le temps, aujourd'hui le four à midi. Bébé, j'ai pas le temps, je suis KO1, je suis KO1, mais je dois viser. Je suis KO1, je suis KO1, mais je dois viser. Alfa Romeo, Batman, mon déo. Été comme hiver, peu importe la météo. Alfa Romeo, Batman, Mondeo. Été comme hiver, peu importe la météo. Elle s'abonne, se désabonne. Elle écoute tous mes albums. Mais c'est vraiment pas la bonne. Non, c'est pas toi la patronne. La vérité, si je mens, je pédave dans l'établissement. Dans tous les arrondissements. Précieux comme un talisman. On pourra s'en aller, mais pour le moment reste loin de moi. Moi son cœur je l'ai volé. Elle aura que des souvenirs de moi. Elle m'a dit d'arrêter la bibi. Bébé, j'ai pas le temps, aujourd'hui le four à midi. Bébé, j'ai pas le temps, je suis KO1, je suis KO1, mais je dois viser. Je suis KO1, je suis KO1, mais je dois viser. Alfa Romeo, Batman, Mondeo. Été comme hiver, peu importe la météo. Alfa Romeo, Batman, Mondeo. Été comme hiver, peu importe la météo.